quand un crocodile s'approcha. Un des Indiens se regardait dans l'eau et presque chavira. Un petit, deux, petit, trois petits Indiens. Quatre, petit, cinq, petit, six petits Indiens. Sept, petit, huit, petit, neuf petits Indiens. Dix petits Indiens dans une pirogue. Ils naviguaient dans le sens du cours d'eau quand un crocodile s'approcha. Un des Indiens se regardait dans l'eau et presque chavira. Petit 9, petit...